sommes heureux sans froideur, plus de bout de rire ou d'humeur, triste ou chagrin, tu poses d'un air triomphant ta petite tête d'enfant sur ma poitrine, sur ma poitrine. M'écoute et je te lis, quoique ta bouche au coin pâlit, s'ouvre et soupire, quelques stances d'Alighieri, on sent le poète chéri, ou bien Shakespeare, ou bien Shakespeare.